Chapitre 12e. La coupe de Marguerite est pleine. Rentrant chez lui vers 11 heures du soir, M. Lester apprit de la bouche même de Tiffel la nouvelle de la mort de Lord Dane. Jugeant l'heure trop avancée pour se rendre de suite au château, il remit sa visite au lendemain. Il y arriva de grand matin, mais il était plus de midi quand il put voir Lady Adélaïde. Elle vint à lui les mains tendues, les yeux presque hagards, les joues brûlantes de fièvre. « Emmenez-moi, monsieur Lester, emmenez-moi. Je ne veux pas rester ici, l'hôte de Geoffrey Dane. » Quoique pris à l'improviste, monsieur Lester se sentit trop heureux pour faire d'objection. Il avait, toute la matinée, envisagé la situation sous toutes ses faces, pesé dans son esprit les conséquences de la mort de Lord Dane, eu égard à Lady Adélaïde. Et le parti le plus simple à prendre, lui dit-il, était de se marier ce jour-là même, dans la chapelle du château, modestement, aussi simplement que possible, et de s'établir de suite à Danechild Hall. La proposition la fit reculer d'épouvante, et elle la répéta d'un air presque affolé. Son angoisse n'échappa pas à M. Lester et l'impressionna péniblement. « Quelle autre solution proposez-vous alors ? » demanda-t-il. « Je suis prêt à adopter le parti, quel qu'il soit, auquel vous croirez devoir vous arrêter. » Quel autre parti pouvait-elle prendre, en effet ? Elle était absolument décidée à ne pas passer une nuit de plus au château, quoique Lord Dane eût télégraphié dès la pointe du jour à sa sœur de l'y venir rejoindre sans perdre un instant. Que faire alors? L'alternative était embarrassante. La grande difficulté consistait surtout à trouver Hicket Nunc, un domicile, ou du moins une retraite convenable. Lady Adélaïde commençait à céder. Sophie Collot, heureusement ou malheureusement, donna le conseil de se retirer chez Madame Grant, et cela mit fin à toute hésitation. Lady Adélaïde s'écria, en pleurant, qu'elle ne se sentirait jamais le courage de partir pour l'Écosse. M. Lester vint à la rescousse, insistant pour faire adopter son plan, avec toute la persuasive éloquence de l'homme amoureux. Il affirma que rien ne s'opposait à ce que les arrangements nécessaires fussent faits dans le plus grand secret. Il était déjà en possession d'une licence spéciale, l'autorisant à ce que la cérémonie eût lieu dans la chapelle du château, et rappela à Lady Adélaïde que son oncle lui-même, Lord Dane, leur avait conseillé de presser leur union. Mais se marier, quand son corps à peine refroidi est encore là, dans ce château, dit-elle, en résistant toujours, que dira-t-on quand on nous verra partir pour notre voyage de noces, sans attendre même que le pauvre homme soit enterré? Je ne vous demande rien de semblable, mais seulement de quitter cette maison pour la mienne. Vous y resterez quelques jours tout à fait retirés, puis après les funérailles, nous irons où il vous plaira d'aller. Vous pouvez en vérité venir chez moi comme en visite, si vous le préférez. Vous y serez avec Miss Mordillon, mais je pense, Adélaïde, que ce serait moins convenable pour vous. Je pense qu'il serait préférable d'entrer de suite au hall, comme ma femme est en maîtresse de la maison. Oui, vous avez raison. Je me décide, répondit-elle. Arrivée à ce point, la discussion ne pouvait durer longtemps, et M. Lester n'eut pas de peine à obtenir un consentement définitif. Il sortit pour s'occuper des arrangements indispensables. Sachant à peine s'il marchait sur les pieds ou sur la tête, il s'arrêta en dehors du château. Il fallait qu'il avertît au hall, et y fit tout mettre en ordre pour la réception de cette châtelaine inattendue. Il fallait aussi qu'il vît le pasteur. Par où commencer? Il hésita un moment, puis courut tout d'un trait chez le clergyman, dont la maison se trouvait à l'autre extrémité de Danechild. Le révérend M. James était sorti pour les affaires de la paroisse. Impossible d'indiquer où l'on pourrait le trouver. Mais il rentrerait certainement au moment du dîner, à 2 heures. Squire Lester pria de l'avertir qu'il reviendrait dans la journée et prit en toute hâte le chemin de sa propre maison. Il traversa l'antichambre, le salon, la salle à manger, personne. Le hall semblait abandonné. Pas d'enfant, pas de Miss Bordillon. Squire Lester, dans son impatience, donna un coup de sonnette à ébranler la maison et Jones accourut. « Où est Miss Bordillon ?»« Elle est partie, sœur. »« Partie où ?»« Pour la Grande Croix, sœur, avec M. Wilfrid et ses demoiselles. Ils ont dîné tout à l'heure et ne sont de retour que dans la soirée, pour prendre le thé. » M. Lester ne put réprimer un mouvement de colère. La Grande Croix était une ville assez importante à quelques 10 000 de distance de Danechild. Comment prendre les mesures nécessaires pour la réception de sa femme au hall en l'absence de Miss Bordillon qu'il avait besoin de consulter sur une foule de détails? Que diable lui a-t-elle pris d'aller aujourd'hui à la Grande Croix ? S'écria-t-il d'un ton vexé. Dame, monsieur, répondit Jones, je pense qu'il est allé tout simplement pour acheter une poupée à Miss Lester. Monsieur Wilfrid a crevé les yeux de la vieille poupée de mademoiselle hier et a fait fondre le nez de cire. Miss Maria a tellement pleuré que Miss Bordillon a été forcée de lui promettre d'en acheter une autre. Une nouvelle poupée, en vérité, répliqua monsieur Lester, mais avis qu'elle n'ait plus d'âge à jouer à la poupée. En tout cas, ce n'était pas une raison pour s'absenter ainsi toute la journée sans me consulter. J'ai entendu Miss Bordillon, sœur, dire aux enfants qu'elle regrettait que vous fussiez sortie de si bonne heure ce matin avant qu'elle ait pu vous voir. Un quart d'heure plus tôt, vous les trouviez encore ici. Ils viennent à peine de partir. Dans ce maudit omnibus, je suppose. Non, sœur. Monsieur Wilfrid les a conduits dans le poney-chaise. Il devait prendre le train à 2h30. Monsieur Lester tira sa montre. 2h10. Il était trop tard pour les rejoindre. La station du chemin de fer était à une distance de 3 000 environ. Et qu'est-ce qu'ils feront du poney-chaise ? Continua-t-il d'un air presque féroce. Ils le laisseront sur la route, sans doute. Robert a pris l'omnibus du chemin de fer, afin de se trouver à la station assez à temps pour le ramener, répondit Jones, qui ne comprenait rien à l'irascibilité de son maître. Monsieur Lester était réellement dans une situation embarrassante. De deux choses l'une, où il lui fallait avertir les domestiques de son mariage improvisé, de l'arrivée de sa femme ce jour-là même, et donner l'ordre de tout préparer pour la recevoir, ou se charger lui-même de tous les arrangements nécessaires. Il lui répugnait de mettre ses gens dans la confidence d'un fait qui devait encore rester secret, mais d'un autre côté, il se sentait absolument incapable de prendre aucune mesure pour la réception de Lady Adélaïde, et il aurait beaucoup préféré se décharger de ce soin sur Miss Bordillon, plutôt que d'avoir à tout combiner avec ses domestiques paresseux et bavards. « Prendrez-vous quelque chose, sœur ? Prévenez Tiffle de venir me parler à l'instant ?» dit M. Lester sans répondre à la question. Tiffle entra en frottant ses mains l'une contre l'autre, selon son invariable habitude, et resta à une distance respectueuse de son maître, attendant ses ordres. M. Lester gardait le silence. Il réfléchissait à ce qu'il devait ou ne devait pas dire. « Vous m'avez fait demander, sœur ?» M. Lester lui donna alors des instructions assez confuses, sans s'expliquer positivement sur le fait principal, mais examinant chacune des éventualités qui pourraient se présenter dans le courant de la journée et leur cherchant une solution. Bien des femmes de chambre n'auraient rien compris à son langage énigmatique, mais Tiffle avait une intelligence de premier ordre. « Les chambres prêtes à tout événement ?»« Les appartements particuliers de M. Lester, certainement, tout y serait en ordre. Monsieur pouvait y compter. Les choses devaient-elles être replacées comme du temps de feu, Madame Lester ? Les draperies de la toilette de soie rose ?» M. Lester l'interrompit. « Je ne connais rien à tous ces détails. En l'absence de Miss Bordillon, je vous charge de tout diriger. Faites comme vous l'entendrez, je m'en rapporte à votre jugement. » « Cela suffit, monsieur. Faudra-t-il préparer le dîner ? Il m'est impossible de vous le dire maintenant. Je suppose que oui. Cependant, je ferai en sorte de vous envoyer un mot dans la journée pour vous indiquer l'heure. Jusque-là, ayez soin de garder le silence vis-à-vis des domestiques. » M. Lester monta dans les appartements, jeta un coup d'œil, rangea et enferma ses papiers, ses lettres, ouvrit la porte et les fenêtres de son cabinet de toilette, qui lui servait depuis des années que de fumoir, afin que l'odeur du tabac puisse s'échapper, et quand tout fut en ordre, redescendit pour se rendre de nouveau chez le pasteur. 3 heures sonnaient. « Comme le temps passe, pensa-t-il, déjà 3 heures. » Et il se mit à marcher à pas précipités. « Monsieur James est-il rentré ?»« Il est rentré, sœur, mais il est ressorti, » dit le domestique. « Rentré et ressorti ?» répéta M. Lester. « Il était de retour moins de 5 minutes après votre départ, et s'est fait servir immédiatement son dîner. Il n'est pas resté plus de 10 minutes à table et est reparti de suite. Vous êtes-vous acquitté de ma commission ? Certainement, sœur. Je lui ai dit que vous aviez besoin de lui pour une affaire de la plus grande importance. Il m'a répondu qu'il était obligé de sortir, mais qu'il rentrerait aussitôt que possible. Monsieur Lester jeta autour de lui des regards consternés. À la moindre anicroche dans les préliminaires, Adélaïde, capricieuse comme le vent, ne pouvait-elle pas hésiter et revenir sur sa promesse ? Ne pas faire d'elle sa femme ce jour-là même, maintenant qu'il avait approché si près de ses lèvres cette coupe de bonheur, c'était là un sacrifice au-dessus des forces du Squire Lester. S'il avait su où trouver le révérend pasteur, il se serait mis à l'instant à sa poursuite. Medangeld était une paroisse d'une grande étendue, comprenant les campagnes environnantes, et dont les habitations étaient trop disséminées pour qu'il pût raisonnablement tenter l'aventure. Il laissa quelques mots au crayon pour M. James et se dirigea vers le château. Les nouvelles qu'il y apprit en arrivant le calmèrent et l'irritèrent tout à la fois. Lady Adélaïde s'habillait pour la cérémonie. De ce côté, tout allait bien. Mais que se passerait-il si ce clergyman ne venait pas? M. Lester était sur des charbons ardents. Il vit Lord Dane et lui demanda s'il conduirait Lady Adélaïde à l'hôtel. Lord Dane répondit négativement avec le plus grand calme. Il avait quelques affaires à terminer, dit-il, qu'il retiendrait loin du château. Il était donc forcé, à son grand regret, de décliner cet honneur. M. Lester crut deviner que le nouveau père considérait comme un manque de procédé à son égard le départ précipité de sa jeune cousine. Il était plus de 6 heures quand il retourna à Dangerfield Hall. Il s'habilla, prit à la hâte quelque nourriture, car Lady Adélaïde l'avait fait avertir qu'elle ne dînerait pas au hall, et envoya chez M. James un des domestiques auquel il fut répondu que le pasteur n'était pas encore entré, mais qu'il ne pouvait tarder. M. Lester se sentait mourir d'impatience. Il écrivit quelques mots pour Miss Bordelion et chargea Tiffle de les lui remettre aussitôt son arrivée. Puis il fit atteler un landau fermé et retourna au château. Le clergyman n'avait pas encore paru. Le landau fut envoyé au presbytère avec l'ordre d'attendre et de ramener M. James. Quand Squire Lester entra dans la grande salle, où toutes les dispositions avaient été prises pour la cérémonie, la première personne qu'il rencontra fut Cecilia Dane, à qui son frère, fidèle à sa parole, avait télégraphié de se trouver au château dans la journée. Cecilia, excitée par ce voyage précipité et surtout par les nouvelles qu'elle venait d'apprendre, encore plus minaudière et plus enfant qu'à l'ordinaire, se précipita à la rencontre de M. Lester et lui demanda, sans autre préambule, si, comme demoiselle d'honneur, elle pouvait décemment accompagner Lady Adélaïde, ainsi vêtue de son affreuse robe noire, ou si elle aurait le temps de courir jusqu'au cottage pour se mettre tout en blanc. M. Lester se débarrassa de la pauvre fille avec une parole aimable et sortit pour rejoindre sa fiancée. Que Cécile la fût vêtue de blanc ou de noir, que lui importait, pourvu qu'Adélaïde devint sa femme. M. Lester craignait encore, et cette crainte ne l'avait pas quittée depuis le matin, qu'elle ne lui échappât. N'en est-il pas toujours ainsi, plus ou moins, quand on est sur le point d'atteindre un but longtemps et ardemment désiré? Vers 10 heures du soir, Miss Bordelion était assise, seule, dans le salon du hall. Après une journée fatigante, de retour assez tard à la maison, avec les enfants, à 8 heures passées, elle s'était empressée, aussitôt le thé pris, de les envoyer se coucher, heureuse de goûter enfin un peu de repos. Wilfrid lui-même n'avait pas fait de résistance contre son habitude. Miss Bordelion leva la tête en entendant des pas. C'était le domestique. À sa grande surprise, il se mit à allumer les bougies du lustre et des candélabres, ce qui ne se faisait généralement pas. « Pourquoi allumez-vous, Jones ?»« Tiffle m'en a donné l'ordre, madame. Elle croit avoir entendu la voiture sur la route. »« Est-ce que M. Lester est sorti en voiture ce soir ?»« Oui, madame. »« Mais quel besoin d'allumer toutes ces bougies ? Le salon est assez éclairé sans cela. » Jones ne put que répéter l'ordre donné par Tiffle. Il n'avait pas été mis au courant des événements de la journée. Tiffle s'était tenu bouche close, et tout en s'apercevant de quelques mouvements inusités dans la maison, il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. La voiture était venue celle de M. Lester. Elle s'avança lentement jusqu'à la porte principale du hall, et Jones sortit du salon en toute hâte. Une minute après, M. Lester entra, ayant à son bras Lady Adélaïde. Miss Bordelion n'aurait certainement pas été plus stupéfiée en voyant un spectre se dresser tout à coup devant elle. Lady Adélaïde, en entrant, laissa glisser de ses blanches épaules un riche manteau et apparut en grande toilette. Robe de soie blanche garnie d'admirables dentelles, collier de perles, bracelet de perles et gants blancs. Une petite guirlande entourait ses cheveux sur le derrière de la tête, retenant un voile qui avait tout l'air d'un voile de mariée. Si Miss Bordelion n'eût pas été à 100 lieues de se douter de la vérité, et si elle eût regardé attentivement, elle aurait pu remarquer que la guirlande se composait exclusivement de fleurs d'oranger. Mais elle était trop émue pour que de petits détails puissent la frapper. Pourquoi Lady Adélaïde arrivait-elle au hall à une pareille heure? Pourquoi cette toilette, quand Lord Dane venait à peine de rendre le dernier soupir? « Comment vous portez-vous, Miss Bordillon ? Je suis vraiment honteuse de prendre ainsi la maison d'assaut. Il faut me pardonner. Il n'y avait pas moyen de l'agir autrement. » Elle fit quelques pas à sa rencontre en lui tendant la main. Elle n'avait jamais été plus radieusement belle. Marguerite Bordillon, par un mouvement machinal, toucha la main qui lui était offerte et se retourna vers M. Lester, comme pour lui demander une explication. Mais il sembla ne pas la voir. Il regardait Lady Adélaïde. « Le thé est-il prêt, Marguerite ? Vous le désirez de suite, je présume, Adélaïde ? Oh, certainement. » Marguerite Bordillon sentait son courage l'abandonner. Murmurant quelques mots inintelligibles à propos d'ordre domestique, elle s'échappa du salon. Mais elle était à peine dans l'antichambre qu'elle se rappela avoir oublié sur le canapé, près de la porte, quelques jouets rapportés par les enfants et qui lui semblaient peu convenables de laisser au salon. Elle revint donc sur ses pas et ouvrit doucement la porte afin de ne pas éveiller l'attention. M. Lester lui tournait le dos, tenant étroitement serré entre ses bras Lady Adélaïde, à laquelle il semblait murmurer de douces paroles. Marguerite, sans prendre les jouets, se retira précipitamment avec un sombre soupçon, non pas encore de la vérité tout entière, mais de quelque chose qui, y ressemblant fort, commençait à lui torturer le cœur. Au pied de l'escalier, elle se trouva face à face avec Tiffel et Sophie. Cette dernière, la tête nue, semblait être là chez elle, comme si elle lui habitait le hall depuis un an. Tiffel était splendide avec sa vieille robe de soie pourpre, aussi roide qu'elle, et son bonnet à nœuds de taffetas blanc. « Je viens de montrer à mamselle les appartements de sa maîtresse, » dit Tiffel, dont les petits yeux gris lançaient des regards furtifs à Miss Bordillon, et qui semblait jouir de l'altération de ses traits. « Ou plutôt les appartements de monsieur, ce qui est la même chose maintenant. » Mais les bagages ne sont pas encore arrivés au château, et mamselle est obligée de les attendre. Lady Adélaïde Erol vient-elle pour passer la nuit ici, dans la maison de M. Lester ? Demanda Marguerite, plus étonnée que jamais. Mais Lady vient pour tout à fait, madame. Elle est chez elle, répondit Tiffel en clignotant des yeux et en les fermant à demi, comme si la lumière de la lampe de l'escalier l'eût ébloui. Mais en réalité, sans quitter un seul instant du regard Miss Bordillon. Elle et mon maître se sont mariés tout à l'heure, et ils rentrent chez eux. Est-ce que la lettre qu'il a laissée pour vous n'expliquait pas ? Ah, bonté divine ! S'écria tout à coup Tiffel, en fourrant sa main dans sa poche. Dire que j'ai oublié de vous la donner, madame. Je vous demande un million de pardons. Monsieur Lester l'a écrite cet après-midi avant de partir, et m'avait chargé de vous la remettre moi-même. Je l'avais gardée exprès dans ma poche pour ne pas l'égarer. Loin des yeux, loin de l'esprit. L'oubli de Tiffel, on le devine, était prémédité. Marguerite ne s'évanouit pas, mais elle fut forcée de s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Quoiqu'elle sentît son sang se figer dans ses veines, elle fit un effort surhumain pour paraître calme, et un faible sourire effleura ses pauvres lèvres sèches quand elle se retourna vers Sophie. Mariée, en vérité. Jamais je n'aurais pensé que ce pût être fait ce soir, miss, dit avec volubilité la charmante Sophie. « Ma jeune maîtresse a attendu toute la journée en grande toilette et le curé, ce que vous appelez le ministre, n'arrivait pas. On ne pouvait pas le trouver. Il n'est venu qu'à 9 heures. Nous ne comptions plus sur lui. Le mariage a eu lieu dans le grand salon, le hall, et Miss Dane a servi de dame d'honneur en robe noire. C'est un présage de malheur et je ne suis pas gêné pour en faire l'observation, mais on ne m'a pas écouté. Il n'y avait rien à dire contre la toilette de Milady, elle était toute neuve. Ces derniers événements l'avaient empêché de la mettre. J'ai pu me procurer dans la journée des fleurs et un voile à Deinscheld. » Marguerite Bordillon n'avait plus rien à apprendre. Cependant, Tiffel tint à lui raconter comment son maître avait eu assez de confiance en elle pour la charger de tout préparer et comment, quoique pressée par le temps et ayant à vaincre toutes sortes de difficultés, elle avait réussi, avec l'aide des domestiques, à se rendre digne de cette confiance. Tiffel, sur ces derniers mots, montait l'escalier et ouvrit toute grande les portes de l'appartement de M. Lester. Un flot de lumière s'en échappa et éclaira vivement le corridor. Marguerite appuya sa tête brûlante contre le mur et ouvrit la lettre. Elle ne contenait que quelques lignes d'explication sur le désir d'Adélaïde de quitter immédiatement le château dont le nouveau père d'Angleterre avait pris possession. Mais elle était écrite dans des termes d'une si sincère amitié, presque tendre, que la malheureuse Marguerite, les yeux aveuglés de larmes, la lut et la relut avec une émotion profonde. « Marguerite !» Elle tressaillit en reconnaissant la voix de M. Lester. remettant précipitamment la lettre dans sa poche et passant la main sur ses yeux et sur son front, elle s'approcha de la rampe de l'escalier et répondit « Je suis ici. Voulez-vous descendre et préparer le thé, Marguerite ? La pauvre Adélaïde se sent toute dépaysée. Et c'est bien naturel, arrivant aussi brusquement parmi nous. Le cas est tout à fait exceptionnel, vous comprenez. Je n'en ai pas la force, bégaya Marguerite. Non, en vérité, je ne peux pas. » Monsieur Lester lui prit tendrement la main. « Marguerite, pardonnez-moi. Je vois que le coup est terrible pour vous, et je devine la cause de votre douleur. Vous pensez à la pauvre Catherine. Vous m'en voulez de l'avoir oubliée. Vous avez peut-être raison, mais réfléchissez, Marguerite, elle est morte. Pouvais-je vivre seul, sans affection, sans compagne ? Non. Que le souvenir du passé ne vous indispose pas contre cette jeune femme que j'ai juré tout à l'heure de rendre heureuse et d'aimer. Soyez bonne et généreuse, et venez près d'elle. » Que pouvait-elle répondre ? Il valait mieux, après tout, qu'il la crût troublée par le souvenir du passé. Presque inconsciente de ce qu'elle faisait, elle s'abandonna machinalement à la main qui l'entraînait doucement vers le salon. « Je ne savais rien, » dit-elle. « Tiffel ne m'avait pas remis votre lettre. Vous comprenez alors combien j'ai été surprise. Tiffel mériterait d'être puni. On n'a pas idée d'une pareille légèreté. » Au moment où ils rentrèrent au salon, Sophie était occupée à débarrasser Lady Adélaïde de son voile. « Il me gênait pour m'asseoir, » dit celle-ci, comme pour s'excuser, en se retournant vers Miss Bordelion. « Il est trop long. »« Ôterai-je la guirlande en même temps, Milady ?» demanda Sophie. « Non, certainement, elle ne me gêne pas. » Sophie sortit en portant le voile, et Lady Adélaïde s'assit près de la table à côté de Miss Bordelion. Avec une vivacité qui ressemblait à la pétulance d'une enfant gâtée, elle retira ses gants et les jeta sur la table. Son geste mit en évidence l'anneau de mariage. C'était la seule bague qu'elle eut au doigt. « Serais-je longtemps m'y habituer ? » dit-elle en lançant un regard à M. Lester. Il se contenta de sourire sans répondre. Marguerite prépara le thé. Comment réussit-elle à conserver son calme pendant cette mortelle soirée ? Elle ne le sait pas encore aujourd'hui. Le jour suivant, elle les rencontra tous les deux, involontairement, il est à peine besoin de le dire. Elle était restée toute la matinée dans sa chambre, gardant auprès d'elle les enfants, excepté l'indiscipliné Wilfrid, qui s'échappa malgré ses ordres formels. Après les leçons du matin, les deux petites filles sortirent pour jouer. Elle les accompagna, espérant que le changement d'air la calmerait peut-être. « Suivez-moi, sans faire de bruit, » murmura-t-elle. Il les fit sortir de la maison par l'escalier de service, évitant de prendre le grand escalier tant elle craignait d'y rencontrer M. Lester et sa femme. Elles allèrent jusqu'à ce qu'on appelait le jardin de M. Lester, une grande pièce de terre carrée, près de la maison, mais entourée d'arbres et de massifs qui la cachaient entièrement à la vue. Là, Marguerite s'assit sur un banc rustique pendant que les deux enfants prenaient leur récréation. Toutes deux, Edith et Maria, étaient très jeunes pour leur âge, naturelles, simples, véritablement enfants. Maria traînait dans une petite voiture sa poupée majestueusement assise. La nouvelle poupée, achetée la veille à la Grande Croix, d'une beauté étonnante, aussi grande qu'un baby, avec des yeux bleus et des cheveux dorés, et d'une ressemblance vague avec la nouvelle belle-mère que Maria n'avait pas encore vue. Chose curieuse, Lady Adélaïde Hérole n'avait jamais rencontré les enfants de M. Lester, quoique habitant depuis si longtemps au château des Danes. Mais M. Lester n'était pas de ceux qui aiment à se faire accompagner dans leurs visites par des babies ou qui leur permettent de paraître dans le salon quand ils reçoivent. Miss Bordelion leva les yeux en entendant du bruit autour d'elle. Wilfrid avait fait son apparition dans le jardin et, par taquinerie, s'était emparé de la poupée. Les deux petites filles poussaient des cris de détresse. Marguerite, anxieuse d'éviter les querelles ce jour-là, s'avança pour interposer son autorité et aperçut Maître Wilfrid tenant la poupée, la tête en bas, hors de l'atteinte des enfants et prenant plaisir à les effrayer par des gestes menaçants pour la conservation de leurs jouets. Mais elle avait à peine fait quelques pas que la dispute cessa comme par enchantement. Les petites filles se calmèrent tout d'un coup. Wilfrid remit, en riant aux éclats, la poupée dans sa voiture, et Miss Bordelion se trouva bientôt face à face avec Lady Adélaïde. « Je crois avoir perdu mon chemin, » dit celle-ci avec un sourire, en tendant la main à Marguerite. « Monsieur Lester est sorti avec moi, mais il s'est arrêté pour parler à quelqu'un, et j'ai continué à marcher. Êtes-vous tout à fait bien ce matin ?» « Tout à fait bien, merci, » murmura Marguerite en rougissant, et en pâlissant tour à tour avec une telle violence que maître Wilfrid, tout absorbé qu'il était, en fut frappé. L'enfant, le dos appuyé contre un arbre, regardait fixement sa nouvelle belle-mère. Elle avait repris aujourd'hui ses vêtements de deuil et portait un menton burnous d'étoffe noire très légère à glands de soie. Elle était tête nue, ses admirables cheveux dorés, de la même couleur que ceux de la poupée de Maria, retenus dans un filet de soie noire. « Et maintenant, il me faut faire la connaissance avec chacun d'eux, » dit-elle en souriant aux enfants. « Celle-ci est Maria, » continua-t-elle en montrant du doigt Edith. « Non, » dit Maria, toute rougissante, « c'est moi qui suis Maria. » Lady Adélaïde la regarda pendant une minute avec une grande attention, mais sans bienveillance. « Elle ne ressemble pas à M. Lester. »« Elle ressemble à notre mère qui est morte, » dit Wilfrid, « mais en mieux. » Lady Adélaïde leva les yeux sur lui. « Vous ressemblez à M. Lester, vous. Je vous aurais reconnu entre mille pour son fils. Quel âge avez-vous ? 14 ans. 14 ans. » Je ne me doutais pas que ses enfants fussent si âgés, se murmura-t-elle à elle-même. « Je ne crois pas m'en être jamais inquiété du reste. « Il reste toujours à la maison, celui-là » ajouta-t-elle en se tournant vers Miss Bordelion. « Seulement pendant les vacances, en général. Cette fois-ci, c'est un cas exceptionnel. Il est à Rugby. Il y a eu une épidémie à la pension et l'on a renvoyé les élèves à leurs parents. « Oh ! Je ne vous gênerai pas, Lady Adélaïde, » s'écria le gamin. « Si c'est ce dont vous avez peur, rassurez-vous, vous ne me trouverez jamais sur votre chemin. » Elle le regardait gravement, comme si elle eût médité sur ses paroles. En réalité, elle admirait la merveilleuse beauté de son visage et de ses grands yeux bleus. « Dois-je en faire le serment, Lady Adélaïde ? Je suis prêt, si vous l'exigez. » Wilfrid, d'une nature susceptible, orgueilleuse et ardente, s'imaginait qu'elle ne le croyait pas. Peut-être aussi ressentait-il au fond de son cœur une aussi vive répugnance que Miss Bordelion pour le second mariage de son père. Ces quelques mots semblèrent produire sur elle une impression de mortelle terreur. Ses yeux allaient tour à tour de Wilfrid à Miss Bordelion, et de Miss Bordelion à Wilfrid comme pour lire dans leurs pensées. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Je croyais que vous doutiez de ma parole, » répondit Wilfrid, qui regardait sa belle-mère aussi ardemment qu'elle le regardait elle-même. « Je ne suppose pas que vous aurez rien à faire pour nous. Miss Bordelion s'occupe de Maria. » Lady Adélaïde se mit à rire et s'avança vers les petites filles en leur tendant la main. « Laquelle de vous m'indiquera le chemin de la pépinière des rosiers ? » demanda-t-elle. « Monsieur Lester voulait m'y conduire, mais j'ai dû, en tournant de ce côté, lui faire perdre ma trace. » Les deux enfants, la prenant par la main, partirent avec elle. Wilfrid les regarda s'éloigner. « Je ne l'aime pas du tout, Marguerite. Elle n'a pas l'air bon. Taisez-vous, Wilfrid. Est-ce que vous pouvez avoir une opinion de ce qu'elle est ? Et dire si vous l'aimez ou non avant de la connaître davantage. Vous croyez? Eh bien, qui vivra verra. Au revoir, Marguerite. Je vais faire un tour de promenade en mer avec le vieux Bill Gand. » Comme il s'en allait d'un côté, M. Lester venait d'un autre, en quête de sa femme. Marguerite Bordelion, en l'apercevant, s'avança vivement vers lui, comme si elle eût craint de laisser échapper le moment de lui parler, et l'accosta. Elle avait, pendant toute la nuit précédente, pensait au parti qu'elle devait prendre et elle ne voulait pas tarder davantage à en faire part à M. Lester. En quelques paroles rapides et ardentes, elle semblait étrange dans la bouche de Miss Bordelion, ordinairement si calme et si compassée. Les lèvres pâles et frémissantes, elle lui dit son désir ou plutôt sa prière. Elle lui louerait cette petite maison, libre en ce moment, le cottage de la falaise, s'il consentait à l'accepter comme locataire, et elle s'y retirerait pour y vivre avec Edith, dont elle continuerait à faire l'éducation. Elle avait pensé que peut-être M. Lester consentirait à lui confier Maria. M. Lester, pour toute réponse, partit d'un grand éclat de rire. « Comment une pareille folie a-t-elle pu vous entrer dans l'esprit, Marguerite ? Le cottage de la falaise, mais il n'est pas assez grand pour y loger seulement un chat. J'ai 100 livres sterling de rente, comme vous savez. De plus, la somme que le major Bordelion a l'intention de consacrer au paiement de la pension d'Edith dans une institution de premier ordre, pourra m'être laissée, puisque c'est moi qui ferai son éducation. Peut-être aussi, voudrez-vous pour celle de Maria ? Ah, je le vois, vous avez tout arrangé dans les moindres détails, » interrompit en riant M. Lester. « Que diable se passe-t-il dans votre tête, Marguerite ? Vous n'avez plus besoin de nous maintenant, vous avez votre femme. Wilfrid est la plupart du temps au collège, et Maria se trouvera mieux avec moi qu'à la maison. » Comme vous me l'avez fait observer un jour, Lady Adelaide n'a ni l'âge ni l'expérience nécessaire pour se charger d'une pareille tâche, quand bien même elle s'en sentirait le courage. Mais ce que je désire savoir, c'est pourquoi vous voulez nous quitter. Quel besoin y a-t-il de nous séparer? Vous serez tout aussi à votre aise ici que vous l'avez toujours été. La maison, c'est impossible, c'est impossible. » interrompit-elle à son tour, en tremblant si violemment que M. Lester la regarda tout surpris. « Marguerite, que se passe-t-il donc ? » demanda-t-il après un moment de silence. « Que vous ayez de puissantes raisons pour vouloir quitter le hall, je n'en saurais douter maintenant. Pourquoi ne pas me les dire ? Les lui dire ?» La malheureuse Marguerite rougit, pâlit, sans avoir la force de prononcer un mot. Soupçonna-t-il enfin la vérité en voyant sa profonde émotion ? Peut-être. Marguerite ne le sut jamais. Il garda un visage impénétrable, quoiqu'une vive rougeur se répandit tout à coup sur son front. « Vous aurez le cottage de la falaise, puisque vous paraissez tant y tenir, » dit-il doucement. « Mais pour ce qui est de Maria, nous en reparlerons plus tard. » Elle inclina la tête et M. Lester, la quittant brusquement, continua son chemin à la recherche de Lady Adelaide.